tendresse touche pour apaiser mon mal. Mes lèvres de ta bouche plus rouges que corail. Que mon col soit pressé de ton bras enlacé, puis face dessus face, regarde-moi les yeux, afin que ton trait passe. Ma chère.